R dans la place, il va nous lâcher son flow tout de suite là. Bang. La balance, bang bang. MTR, ça dit quoi mon gars? Ouais, tranquille, pas encore tranquille. Ouais, on est là mon ref, tranquille et toi? Ouais, Martin à la retraite, hein. À la retraite, hein. Voilà, et on met Martin à la retraite, on met Martin à la retraite. On lui coule en plastru ou pas? Merci. Vas-y, scar ou pas? DJ, tu nous coules en plastru là? C'est carré, c'est carré, c'est carré. MTR 9300, la moula que t'as du Gucci pour avoir tous. Tu sais, t'as des millions de guichetas pour aller au cinéma avec ta petite femme. Quentin, quand tu vas te marier, te mettre la bague au doigt, tu vois, c'est le comique, il faut rêver. Les nuages dans le ciel, il y a des pétards. C'est le 14 juillet, c'est le 14 Bex. Doudou est ici, MTR Paris. C'est magique, Paris c'est magique. Il y a plein de magiciens à Paname, à Paname. Ici c'est 93 en force, Doudou force. Ici 77X93 en mode chasseur. Des oies et le renard passe. Il y a des queues, il y a plus de queues. Vas-y, remets. MTR, MTR, MTR, pull up l'instru DJ. DJ Doudou, DJ Doudou, pull up tout l'instru là, pull up tout l'instru là. Tu connais pas Snapchat? T'as su avec Zuberbar? C'est carré, tu peux te filmer un peu comme ça. Vas-y, c'est carré. Ouais. Et là, carré, il y a les messages. Là, tu coupes les micros. Là, c'est les amis. Là, c'est les gens, par exemple. C'est magique, là ici, à Marseille, à Paris, on chasse, on tire. C'est bon là, on va passer là. On va passer à l'autre artiste, non ? Tranquille, bien quoi, bien. C'est comment, qui pose là ? C'est un truc là. Tu veux que je pose ou quoi ? Vas-y, pose, pose. Martin, Martin. Donc tu quoi, j'arrive. C'est à dire une pause. Ouais. C'est moi ou c'est comment? C'est toi, elle est bien. Comment ça, c'est moi? Ça va? Attends, monte, vite fait le téléphone. Vas-y, vite fait. Hello, on est les métanoïaques, on est sur Pinot, il est mercredi 22 octobre. On essaye des nouveaux micros qui sont installés, il y a des bras. Qui se sont mis autour de la table pour installer ce micro, mais attends, on essaye de mettre une petite vidéo, une petite musique pendant que... Il va filmer. C'est pas la télé vidéo, les amis. Hein. Oui. Ah, faut un peu de sérieux, hein, je sais pas. C'est bon. Vas-y, mets l'instru. Je t'envoie ton WhatsApp. Attends. On fait la radio là, c'est pas du tout. L'instru c'est. Vas-y, mais j'ai. Hey, yeah. Non, CJ, tu vas ou pas? Attends. Je vais aller. Vas-y. Attends, t'inquiète. Enlève le son là. Vas-y, mais je me défends. Coupe l'enceinte. Coupe l'enceinte, je te mets une instru. Ça sera mieux si je te mets l'instru là, je t'ai dit. C'est quoi l'instru? Tiens, mon téléphone. Tu regardes. Trois petites bites. Ouais, c'est la réunion de Tamotanoya. Là, il y a des rappeurs qui se préparent pour lancer un son. Ça va être Adim là. Après, c'est toi, après, c'est toi, après, c'est toi. Adim, j'ai fait avec mon téléphone. Non, fais pas. C'est bon, vas-y. Repoule-up. Didi, anciennement Didi, maintenant c'est CJ. Tu connais CJ. Ok. Killer. Ouais, papa, tu m'as pas fait de cadeau. C'est la maman qui a acheté les mi-cadeaux. C'est la rue pour un théon taros. J'suis pas au pédo, ça peut rendre paro. Dans les chaînes, j'ai du bel. J'suis pas galant, j'ai pas des fleurs. À ta soeur, là en beurre. J'la tarchine pas avec du beurre. Le hall, ça sentait la résine et la pisse. Et c'est dans la veuca qu'on la pine. Quête là, démarche avec ma team. Mais j'l'ai pas dit, j'm'appelle la team. Tu boucaves, tu payes la gym. J'vais pas gagner comme un martyr. Dans mon nez, faut se cacher un jean. Ouais, papa, tu m'as pas fait de cadeau. T'as pas qu'à la 27 ans, c'est ballot. J'aimerais juste toucher le gros l'homme. Taille à marbé, habillé en polo. La cahier, Richie Golo. Bisous, vite, quoi y'a les Schmitt, Pélo. Nachap m'appelle pas mon frérot. Brossons la voix et la mélo. T'es à Paris et en Afrique. Ta bijouterie, tu me dois du bif. Ma mère, elle vit. Moi, j'suis Amine. La saleté de Bondi, bah, c'est ma ville. J'ai pas d'aron, c'est un floco. J'carbure ni au red, ni au coco. Mon plat, c'est le chef, pas toi de bolo. J'ai sorti le gun et je les arrose. Il les arrose. Si Dieu. Ok, ça c'était Si Dieu, les amis. Représente. Il est venu avec un petit texte bien écrit. C'était du sale. Dommage, tu m'as filmé. Dommage. C'était bien, hein. On va refaire après. Attends, tu viens de la faire. Non, ça. Après, tranquille. Dodo, tu veux y aller? Ouais, je vais. Moi, ça va être un son à microphone. Me passer de toi. Un instrumental de me passer de toi, microphone. Instrumental. Non, même mettre Jalen ou un artiste, après tu mets. Comment il s'appelle alors? Billy Crawford. Vous partez là? Ouais, je me fais chier. Bah, vous allez parler là, ça commence. Vous voulez? Ah, c'est la. Le moment musical. On va être en antenne dans 3 minutes. Ça y est, on est en live. Ah, d'accord. C'est laquelle? Okay. C'est. Me passer de toi, instrumental. Vous, quand on me pique ma baffe là. Même me passer de toi, me passer de toi, instrumental. Lui, il veut rapper, Pierre. Vas-y, assis, frérot, toi aussi. Vas-y, mon gars, fais. Après, je me casse, mon gars, Qui connaît la définition du mot love? Elle est près de moi, cette girl. Je la veux tout le temps. Tellement aimant, mais entre nous c'est calé tout le temps, mais je la vois tout près de moi, cette gueule. Appelle à moi. Ok, c'était doudou. Sur me passer de toi de Billy Crawford. Change. Voilà, on est en Planète Anodia, on est sur Pinode. Attends, il y a des nouveaux types de micros. Ouais, ouais. Bien mis, par contre, je me brûle là. C'est vrai ou pas? Ouais, ça, ça peut aller. Hein. Ouais, ouais, l'équipe, ça dit quoi? C'est MTR, téléphone sonne, ça dit quoi? Un peu quoi? On est là, et toi, MTR, on est là. Ouais, ouais, t'es comme encore l'iPhone, hein? Tonnerre. Avec la petite boîte de boisson, le petit Powerade là en mode Pokémon. Ah, je connais. Ah, si, ouais, MTR, vous êtes bien? Ouais. MTR 9300, la moula que t'as du Gucci pour avoir tout. Tu sais, des millions de quichetas pour aller au cinéma avec ta petite copine quand tu vas te marier. Tu vas te mettre la bague au doigt. Tu crois que tu sais, les comiques, il faut pas rêver. Les nuages dans le ciel, il y a plein de pétards. C'est le 14 juillet, c'est le 14 Banks. Doudou, il est par ici, MTR, Paris c'est magique. Paris c'est magique, il y a plein de magiciens à Paname, ici c'est 93. Fort en force, Doudou. C'est... Ya, ya. Ouais. Hey Martin. Ouais. J'ai mis une instru là. Quel instru tu mets? J'ai mis Dadju, je sais pas. Dadju et Linda Vitt, ok? Ouais. Coupe tous les micros. Ouais, là, moi le mien, tu peux le monter. Tiens, il est à fond, je vais monter. Ok. Là, je m'entends pas bien. Tiens, ton casque, il est là. Je vais le voir. Ouais, mets à fond. C'est bon? Monte. Éteins l'enceinte. Doudou. Ah. Non, éteins. Moi, je veux pas, éteins ça. Hé, hey, Doudou. Éteins-moi ça. Doudou. Mais attendez. Il va venir son cristal. Vous soyez prêts, on est prêts. Aujourd'hui, c'est un peu embrouillé, mais ça va, ça va venir. Vas-y, remets. Tu peux mettre le haut-parleur en bas de ton micro. Ah, lui aussi, il veut poser. Bon, l'équipe. Lui aussi, il a envie de poser. C'est Martin qui déconne tout ici. C'est pas Martin. Il a vu quoi, Martin? Il a vu quoi? Ouais, c'est pour rappeler. Ouais, mais attends, personne n'a rappelé. C'est quoi? Hey, Martin, dommage, je viens commencer à 8h, Martin. Toi, t'abuses, toi aussi. Mais en fait, c'est pas rapper, il faut déraper. Vas-y, mets alors là, l'instru là. Le truc, l'autre cas. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, qui ça me tire, j'ai peur quoi, continue. J'ai peur quoi. Téléphone sonne. MTR 93100. La moula que t'as, du Gucci pour avoir tout. Tu sais, des millions que de qui t'as. Pour aller au cinéma avec ta petite femme. Quand tu vas te marier, tu vas mettre ta bague au doigt. Tu crois. T'es sérieux quoi? Voilà. T'as vu ce qu'elle est fait? C'est chiant hein. Ouais, c'est chiant un peu, mais. Moi j'ai pas la radio, moi tiens. Laisse, elle change même pas. MTR 9300, la moula que t'as, du Gucci pour avoir. Tu sais, des millions de kishta pour aller au cinéma avec ta petite femme. Quand tu vas te marier, tu mets ta bague au doigt. Tu crois que tu sais des comiques, il faut pas rêver des nuages. Dans le ciel, il y a plein de pétards. C'est le 14 juillet. Doudou, il est ici, MTR, c'est Paris, magique, Paris, c'est magique, il y a plein de magiciens à Paname, ici c'est 93, Doudou, force, ici c'est X93, en mode chasseur, des oies et les renards passent, il y a plus de keufs, ils sont plus là, ils sont partis en garde à vue, c'est la vie quand t'as la zone pris les soldats et en pirate. Vas-y, moi je vais parler. Vas-y, hein, Marceau. Oh, oh, oh. Génial, ton texte, c'est bien. Doudou. Doudou, s'il te plaît, coupe, coupe, coupe, coupe, coupe. Doudou. Doudou. Hey, Doudou. Hey, Doudou. Coupe le truc, s'il te plaît. Voilà. Ok, on est en ligne, il y a Makaya qui se prépare. Je vais mettre ça. Ouais. Wow. Oh, tu volumes dans le casque, s'il te plaît. C'est puissant là. C'est puissant. Yeah. Black Woman, j'aime ta mécanique. Avec moi, panique. Lumière allumée, on passe en ambiance caliente, ça finira en position de matin, 4h. Ouais, putain. Mets-moi un pull-up, j'aime pas ce truc là. Quoi? J'aime pas l'instru là. Mets-moi un truc reggae, ça va être plus simple. Reggae, ouais. Attends, mais qu'est-ce qu'on fait? Un truc reggae. Instru type reggae. Sinon, on a les synthés là, on peut faire un. Non, mets-moi un truc reggae simple. Instru type reggae ouais, simple. Un truc reggae. Attends, qu'est-ce qu'on peut mettre ça par exemple? Je sais pas ce qui sert, mais c'est pas. Genre, on entend rien sans le casque. Non, c'est quoi? Ouais, ça va, ça peut le faire. Ça peut le faire. Yeah. T'as pas quelque chose de mieux dans le stock là? Parce que ça, c'est trop. Yeah, là, c'est bon. Ok, parce qu'elle avait pas commencé. Vas-y, remets-moi un pull-up sur le truc. Merci. Yeah. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Le monde a bien changé depuis Égal MC2. L'énergie nucléaire a établi son empire sur la terre dans la main de quelques visionnaires. L'extermination de toutes ces forêts et grands espaces verts. Pour laisser place à tant de béton, de pistes en goudron. Ils sont entrés dans notre quotidien, le mot pollution. Ô toi petite ou grande civilisation, c'est le moment de la révolution. Revenir ensemble à l'essentiel, avant de partir au ciel. Laisser une trace indélébile pour que demain les tiens les autres, il n'aient pas de bile. Je ne sais pas si tu suis le fil. Mais vis la vie avant qu'elle ne te file, car tout ça ne tient qu'à un fil. En attendant, on rêve. On rêve. mon rêve. Tu t'amuses en fait. Tu t'amuses en fait. Là tu t'amuses. Il va me faire serrer lui, voilà. La musique, c'est amusé, hein. Ouais, mais la musique en fait, quand il y a un artiste qui chante, évite, parce que là tu vois, je cherche mon rythme. Dans mon rythme à chaque fois, tu montes le volume, tu descends le volume, tu montes le volume, tu touches les pianos. Moi je perds ma chanson, je perds mon rythme. Moi il faut que je trouve le rythme. Trouver le rythme, c'est dans la basse. La basse, le reggae, c'est la basse. C'est pas les ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ça veut dire en fait, ça fait quoi? Mets-moi un pull-up sur le son, s'il te plaît. Je vais recommencer en douceur. Ya, Radio Métanoïac Makaya. Je rêve, je rêve. Le monde a bien changé depuis Galem C2. L'énergie nucléaire a établi son empire sur la terre. Dans la main de quelques visionnaires. L'extermination de toutes ces forêts et grands espaces verts. Pour laisser place à tant de béton, de pistes en coudron. Ils ont entré dans notre quotidien le mot pollution. Ô toi petite ou grande civilisation, c'est le moment de la révolution. Revenons ensemble à l'essentiel. Avant de partir au ciel, laissez une trace indélébile pour que demain les tiens, les autres, il n'aient pas de pile. Je ne sais pas si tu suis le fil, mais vis la vie avant qu'elle ne te file, car tout ça ne tient qu'à un fil. En attendant, on rêve. On rêve, on rêve, on rêve, on rêve d'un ciel un peu plus bleu. Que le soleil admire les cieux, que demain soit beaucoup mieux. Quand prenant nos larmes ensemble, on soit heureux. Alors sèche les larmes de tes yeux. À deux, demain tout ira mieux. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère où la nature reprendra ses droits sur la terre. Nous en constatons déjà le fruit depuis un temps, il n'y a plus de saison. Vous qui n'avez cessé de faire la guerre, vous êtes les grands pilleurs de l'univers. On ne refera pas l'histoire. J'ai vu les grands patrons du monde survoler l'Afrique en hélicoptère. Pendant que sur place les autres y mangent la poussière. En attendant nous chantons pour l'ouverture des frontières. Que chaque frère trouve sa place sur l'inter. Peu importe l'endroit où tu es né, rêver est toléré. Mais voyager n'est pas forcément accordé. Ne sais-tu pas que de l'autre côté, seule l'élite a le droit de voyager. Les autres sont condamnés à piocher jusqu'à leur dernier souffle pour pouvoir manger ou gagner quelques douaniers. En attendant on rêve. On rêve, on rêve. On rêve d'un ciel un peu plus bleu que le soleil. Admire les cieux, que demain soit beaucoup mieux. Qu'on prend nos larmes ensemble, on sera heureux. Alors sèche les larmes de tes yeux. À deux demain tout ira mieux. À chacun son histoire. À chacun son histoire. Depuis la préhistoire, chacun sa destinée et ses chemins croisés. L'homme n'a qu'à percevoir le pourquoi de son devoir. Aimer ne devrait être que partagé. Remercie toujours celui qui t'a aidé. Tends la main à celui qui a besoin d'aide. On est encore à cette époque-là où l'homme peut faire sa loi. Pour une couleur, il se prend pour un roi. Prendre la vie d'un être, mais qu'il faut, il faut, il faut être. Chacun devrait être à l'heure, libre de ses choix, mais condamné par ses actes. J'espère juste poser avec tact. Que chacun comprenne conscience. Qu'avec un peu d'aujourd'hui, tout sera mieux demain. En attendant, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve d'un ciel un peu plus bleu. Que le soleil admire les cieux, que demain soit beaucoup mieux. Qu'en prenant nos larmes ensemble, on soit heureux. Alors sèche les larmes de tes yeux, à deux demain tout ira mieux. En attendant, on rêve. Pas beaucoup de retour casse dans le micro. J'entends pas beaucoup ma voix en fait. Là, bravo. Merci. Ouais, ouais, non, on entend. Après, c'est quand tu dis, il faut trouver la bonne position, le bon positionnement du micro. Quand j'irai les micros. Voilà, ouais, c'est mieux là. Je crois, tu vois. Ouais, j'ai capté. Voilà, ça entend mieux là. Ouais, mais non, parce qu'il faut tourne un peu. Attends, je te montre parce que j'avais baissé les autres micros là. Là, ça, c'est comme ça ? Ouais, c'est mieux. Ah, c'est mieux là. Ouais, ouais voilà, ouais. Tu vois. Ouais, là, c'est mieux. Ouais, Johan, alors, vas-y. Non, pardon, je viens. Tu tapes toujours comme ça, mais oui. Yeah. Attends, mets-toi d'accord avec lui. Toi, tu veux poser ou tu veux pas poser ? Non, je veux poser. Ça, Vas-y, mets une instru, frérot. Bah, un truc, oh, tu le mets au-dessous de micro, là. De micro de Vas-y, Sophie. Mets au-dessus du micro pour qu'on entende. Non, parce que là, on entend rien. On entend dans le casque. Vas-y, mets-nous des instruits, on va faire de l'impro maintenant. C'est voilà, pas... on est des collectifs, on a un nouveau dispositif de micro. Vas-y, on va proposer comme le mercredi dernier. Là. On met l'instru, je repose après. Vois avec de Doudou là. Ah ouais, c'est Doudou qui. Vas-y, Doudou, balance les instruits, s'il te plaît. Balance l'instru, je t'envoie. Tu joues pas? Comment? Tu fais quoi là? On s'amuse, on a les synthés là, on essaye de trouver des sons du futur. Des sons qui vont nous amener au-delà de la planète paranoïaque sur la galaxie métanoïaque. On est sur Pinot. Ça oublie. Ouais, c'est beau. Aïe. Attends. Aïe. Hey, attends, je me filme. Ya. Yeah. Sur le macadam avec madame. Sur le macadam avec madame, on avance à 200 pas, vitesse éclair, pressing sur l'oreiller, position du 4h du matin sur le côté, le remonté de balle à la ronde. Attends, je pose. Après, vas-y. Aïe. Vas-y, repoule. C'est son téléphone, il n'y a que lui, personne d'autre. Merde, j'ai oublié qu'il fallait que je relise mon texte. Bah, ouais. C'est quelqu'un qui doit me filmer. Passe un téléphone. C'est ici, Vicky, passe ton téléphone. Sur le macadam avec madame, on avance à 200 pas. Attends, passe ton téléphone. Vite fait, je filme. Vitesse éclair, pressing sur l'oreiller, position de 4h du matin sur le côté. Moi. Attends. J'ai carrément zappé. Vas-y, repoule-up. Hey. Il y a CJ qui prépare son flow. Et après, Sophie qui va nous parler, c'est ça. Ouais, vas-y, c'est bon. Ouais, c'est bon, je pose là où c'est bon. Aïe. Ok. TJ. Ok. Ouais, papa, tu m'as pas fait de cadeau. C'est la maman qui a acheté les mi-cadeaux. C'est la rue pour le rater, on t'arrose. Touche pas au bédo, ça peut rendre paro. Dans les gènes, j'ai du bel. Je suis pas galant, j'offre pas des fleurs. À ta sœur, là en beurre, je la tartine pas avec du beurre. Le hall, ça sentait la résine et la pisse. Et c'est dans la VK qu'on la pine. Get la démarche avec ma team. Mais je l'ai pas dit, je m'appelle la gym. Tu pougaves, tu payes la gym. Je vais pas canner comme un martyr. Mais. Pull up. Yeah. Hey, oui. Pull up. Il nous fait du Martin. Je te jure. C'est même pas du bon bouillon ça. Okay. Ouais, papa, tu m'as pas fait de cadeau. C'est la maman qui a acheté les mi-cadeaux. C'est la rue, on le rate, on t'arrose. Je suis pas au bédo, ça peut rendre paro. Dans les gènes, j'ai du beurre. Je suis pas galant, j'en pas des fleurs. À ta sœur, là en beurre. Je la tachine pas avec du beurre. Le hall, ça sentait la résine et la pisse. Et c'est dans la VK qu'on la pine. Get la démarche avec ma team. Mais je l'ai pas dit, je m'appelle la gym. Tu pougaves, tu payes la gym. Je veux pas canner comme un martyr. Dans mon espèce caché un jean. Ouais, papa, tu m'as pas fait de cadeau. T'as pas qu'à la 27 ans, c'est ballot. J'aimerais juste toucher le gros lot. Taille à marbé, habillé en polo. La caille, Richie, Golo. Vaisseau vite, toi y'a les schmitt. Nachap, m'appelle pas mon frérot. Ressons la voix et la mélo. T'es à Paris et en Afrique. Ta bijouterie, tu me dois du beat. Ma mère, elle vit. Moi, je dis ami. La saleté de Bondi, bah, c'est ma vie. J'ai pas de daron, c'est un floco. J'carbure ni au raid, ni au coco. Mon plat, c'est le chef, pas de pas de bolo. J'ai les gueules et je les arrose. Ouais. Laisse tourner l'instru. Oh, j'ai un petit freestyle dessus, là. Yeah. Ma bêtise, mon petit chocolat. Avec toi, c'est l'amour sans foi ni loi. Premier regard à mon égard, s'en est suivi d'une pluie de cauchemars. Mes bras quand je bras du noir, ta main en guise de chemin. C'était mon African Queen, mon iboga, ma cocaïne. J'aime quand elle se poudre le nez, juste un peu tatoué. Regard féline. J'aime quand elle fait la maline. Elle a une ligne, elle en sait une vraie beauté. C'est pareil, égal, une arme fatale. Elle est redoutable, elle a sûrement vendu son âme au diable. Attends, c'est pas fini. Ma bêtise, mon petit chocolat. Avec toi, c'est l'amour sans foi ni loi. Sur le macadam avec madame, on avance à 200 pas. Vitesse éclair, pressing sur l'oreiller, position de 4h du matin sur le côté. Ça va être lui, la robot de cul, hein, je crois aujourd'hui. C'est super. C'était ta copine. Hein? Ma copine? Quelle copine? J'en ai plein, moi. Ah, moi je suis Dadju. C'est. Larsa et j'apprécie. Oh. Yeah, la burette, Larsa et j'apprécie. Yeah. Ouais, ouais, la burette, Larsa et j'apprécie. La burette, Larsa et j'apprécie. Je lui mets mon jus dans ses fesses. Après, elle crie, oh à l'aide. C'est de l'improvisation que je fais, sa mère. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, on part. Regarde, écoute, c'est là. Black woman, j'aime ta mécanique. Avec moi, pas ni panique. Si t'aimes pas les boys qui font des timiniques. J'aime ton gros bonda, j'aime ton gros bonda. Lumière allumée, on passe en ambiance caliente. Ça finira en position du matin sur le côté. Ça c'est... Hey. Okay. Chérie, je sais que tu aimes ça. Je t'ai pas balancé. Okay. Tu aimes ma musique quand je te fais bouger. Musique à pas dormir, si ce soir pas joujou, pas dodo. Je vais te fumer comme un bon bédo. Et pour finir, je vais te calciner. À la fin, tu me demanderas câlin, bisou, poser la tête à l'envers ou sur ton oreiller. Je te promets une pluie chaude, quand bien même sera l'hiver. On passera en haute et torride sans couverture lumière. Allumée ou éteinte, je te laisse décider. J'aime ton corps froid ou chaud, on fait monter température. Tranquille avec elle, faut que ça dure. Elle aime pas les aventures sans lendemain. Elle se méfie des gros malins. Tu la veux, prends-la bien et termine-la jusqu'à la fin. Moi j'avais choisi de prendre sa main. Weezy out of here. Allô? Non, c'est l'enceinte en fait. T'as une instru un peu coupé décalé comme truc comme ça là. Attends, on fasse un truc. Le patient. Et ça finit comment? Ah ça finit. Attends, je t'avais pas, Non, c'est vrai, je t'avais pas dit la suite. Attends, ouais. Champagne, la tête en bas. La tête en haut, en bas où je te mets un rail de coke sur ton cul et puis après on termine comme ça, tu vois. Ça peut être du sale ou avec le petit, on sait pas, avec le petit doigt aussi, tu vois. Ok, Il y a des femmes, elles aiment juste les doigts, il paraît. Avec un petit Barry White. C'est sauvage, c'est sauvage. Barry White. Barry White, toi de là, pourquoi Martin. Pourquoi je m'entends plus là? Ouais. Oh, ça y est, j'ai gazé, poteau. J'ai mon renouvelle comme auto. Les fils, silhouette auto. Grip à rapat en moto. Tu voulais aviser mon ho. J'ai sorti mon petit combo. Toujours posé l'année passée, je l'ai croqué un goût phrasier. Elle m'a jeté un sort vaudou. Pas la peine de venger mamou. Aïe. Ah merde. Yeah. Gauche, droite, gauche, droite. Black woman, j'aime ta mécanique. Avec moi, panique. Attends, j'en ai une bonne. Tu me reconnais, c'est Makaya, bouillon gabonais, petit Castello chaud, Riga Beaufray, Paris Marseille, c'était le classico. Hey, avant que je te, ma bêtise, mon petit chocolat, avec toi c'était l'amour sans foi ni loi. Premier regard à mon égard, s'en est suivi d'une pluie de cauchemar. Mes bras quand je bois du noir, ta main en guise de chemin. C'était mon African Queen, mon Iboga, ma cocaïne. J'aime quand elle se poudre le nez. Juste un peu tatoué, regard féline. J'aime quand elle fait sa maline. C'est chaud à la radio. Zambo, on part en impro. Tu vois, la gola, c'était une fille bien. Mais on préfère les chouins. Moi j'aime bien les filles bien. Mais on préfère les chouins. Chouins. La gola, c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère les chouins. Chouins. Elle veut mon boudin. Elle veut mon boudin. Chouins. Bras ou faux. Chouins. Tchouin. Chouin. De chouin, chouin. On aime te le chouin, chouin. Chouin, chouin, chouin. Chouin, chouin. Il y a des poupées gonflables. Sur le macadam avec madame. Sur le macadam avec madame, on avance à 200 pas. Sur le macadam avec madame, on avance à 200 pas. Vitesse éclair, pressing sur l'oreiller. Tu peux dégager déjà. Attends. Sur le macadam avec madame. Passez là. Sur le macadam avec madame, on avance à 200 pas. Ah, en fait, c'est tchouin, tchouin, tchouin, tchouin, tchouin, tchouin. Ça veut dire sur le macadam avec. Demande à Martin, il est un spécialiste de tout ça. T'as poupée gonflable comme. Un pro, un pro. Ma poupée gonflable. Oh putain de merde. Je vais la percer, je vais la percer la poupée gonflable. Je sors tout à l'heure après la radio. Elle a la main comme ça. Oh putain de merde. Elle a du scotch dans la bouche. Y'a bon d'amis qui s'y approchèrent. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Get busy, get busy, get busy, get busy. Sur le macadam avec madame. En fait, les instruments ne correspondent pas bien, là. Tu vois, on est dans des trucs... En fait, ça me fait penser à Sean Paul, en fait. Sean Paul, exactement, exactement, exactement. Je râle. Ouais, ça, c'est quel anglais. On the mix avec la go. Got a West going as tiger with a rolling, rolling peanut. Got a weather with the blazing, the blazing girl with a bit on water beer. Attends, attends, attends, attends, attends, je vais faire un duo là. Je vais faire un duo. Remonte le micro, Martin, on va faire un duo là. Ça va être sale. Quoi? Ça va être sale. Bah, faut savoir. Oh, les messes, c'est là, les messes, c'est là, c'est là. Je suis la poupée. C'est mon name, c'est mon name. Ça marche pour les, hein. Voilà. dis mon nom, quand tout je le te temps, baise, bébé, vas-y, mon nom, bébé, vas-y. C'est à toi et moi, dis mon nom, dis mon nom. Quand je ramène Dom Pérignon avec les fraises, et tu me tapes sur les fesses, à toi maintenant. Ok, ça fait. Chérie, faut travailler. Waouh. Car il y a les factures à payer. Je vais te gâter le dolché, je vais te ramener. Ouais, super. Tu vas prier comme l'étoile du berger. Demain c'est soleil et que j'ai prié. Soirée arrosée. Lendemain, omelette café. La sauce et la magie. Préparée par Mami Wata. Ah, la sirène des eaux. Avec sa sauce. Elle parle pas chinois. Donc, elle veut du viton ce soir, chérie, remonte mon caleçon. Elle veut du viton ce soir, chérie, remonte mon caleçon. Dis mon nom, bébé, vas-y mon bébé. Dis mon nom, dis mon nom, dis mon nom. Quand j'ai du Dom Pérignon avec des fraises et de la chantilly. Vas-y, vas-y mon bébé, vas-y mon bébé. Vas-y, vas-y mon beau bébé. Dis mon nom, dis mon nom. Quand j'ai du Rina partout. Aïe. Vas-y, dis mon nom. Dis mon nom, dis mon nom. Dis mon nom, dis mon nom. Voilà. Mais pas quand on quand est dans... je t'achète un sac Chanel. Hein. Dis je... mon nom, dis mon nom. Vas-y, vas-y chérie. Vas-y, dis quand mon je... nom bébé. Oui. Dis mon nom bébé. Ouais. Quand je suis avec toi, t'inquiète pas, j'a. Sûr. Dis son nom, dis son nom. Quand j'ai le sac Vuitton. Vas-y mon bébé. Quand j'ai le sac Chanel. Oh. On est là, on est là. Bébé, tu me lances ça. Après, je, Quand j'ai le loup boutin au pied. Là le loup putain bébé. Là je crie ton nom. J'ai le sac Chanel, crie mon nom. Crie mon nom. Quand j'ai des Weston, bébé crie mon nom. Crie mon nom, dis mon nom. Vas-y, vas-y bébé. Vas-y, vas-y bébé. Quand on est au Tello. Cul, quand on est dans... quand on voit du chant dans une suite à 600 balles. Martin il nique tout, voilà. J'avais l'impression que c'était un père, il nique tout, il fait des trucs. On lui, lui c'est celui qui dit il est 15h, partez voilà. De la suite. Pas parole. Partez de la chambre, il est 15h. Il est 15h. Toi tu niques tout. Voilà, c'est vrai. T'as niqué toute la nuit, Martin. Ou alors c'est celui qui vient taper à ta porte en pleine nuit, tu sais. Ouais, il a tapé en plein nuit. Moins fort. Il regarde. Voilà. Il faut regarder ce qui se passe dans la serrure. C'est lui qui dit bon, les 15h. Yeah. Soit vous rajoutez des thunes, soit vous vous cassez. Ya. Black Woman, j'aime ta mécanique. Avec moi, panique. Si t'aimes pas les boys qui font des timiniques. Lumière allumée, on passe en ambiance caliente. Ça finira en position de 4h du matin sur le côté. Hey, chérie, je sais que tu aimes ça, t'inquiète pas, je t'ai pas balancé. Tu aimes ma musique quand je te fais bouger. Musique à pas dormir, si ce soir pas joujou, pas dodo. Je fais la fumée comme un bombé d'eau. Douceur au pas, douceur au départ, calmement ensuite. Et pour finir, je vais la calciner. À la fin, tu me demanderas câlin et bisous posé sur ta tête, sur ton oreiller. Je te promets une pluie chaude, quand même bien sera l'hiver. Elle aime les aventures. Elle aime les aventures. Regarde. Elle se méfie des gros malins. Prends-la bien et termine-la jusqu'à la fin. Elle veut du Fast and Furious. Elle veut du Vin Diesel. Ok, alors ça fait. Si elle veut du Vin Diesel, ça lui fait comme ça. Fast and Furious. Balade romantique, j'aime quand tu bouges ta mécanique. T'es une bombe à sans plastique, accord à tomber par terre. Quand je te vois, je te perds le nord, le contrôle de mes sentiments. Et je veux rester le meilleur de tes amants. Te soulever encore et encore comme un diamant. Et main dans la main, on se mettra à prier. Car on sait que Dieu qui peut nous juger. Bien bébé. Je t'attends dans le bas moussant. J'ai acheté un paquet de rustis. Tu m'as troué partout, chérie. Doudou, change de type d'instru. Tu mets trop des trucs américains. On est dans des trucs qu'on parle pas. Ah, j'ai cru qu'il allait. D'accord. Là, on est parti dans un truc encore là. C'est ce que t'as dit tout à l'heure. Hein. Ah, ouais, c'est bien là. C'est bien. Ouais. Oh, dommage. Non mais là, c'est Patrick Sébastien, on va faire la chenille. T'as pas un truc doux, un truc mélodique, tu vois, mélodique ou du rap mélodique. Bébé, je veux la Mercedes, Maybach par location. Collé serré, je lui donne l'attention. Tous les deux, on prend de l'ascension. Je veux la gérer, donc je mets à fond le son. Hey, Martin. Tous. Arrête, on m'entend même plus ou quoi. Oh, Dim, oh. Ouha. La Mercedes, Maybach pas de location. Voilà. Collé serré, je lui donne l'attention. Les deux, on prend de l'ascension. Je veux la gérer, donc je mets à fond le son. On se guélant avec un manteau. Bébé, tous les deux à fond, j'ai chaud. Yeah. Attends, mais d'abord, je dois mailler. On fera les boutiques, les Champs-Élysées. Tout ça, c'est de la trappe. Ah. C'est lui qui fait des trucs bizarres. D'accord. Ok. Ouais. Vas-y. Je veux la Mercedes, mec, pas de location. Collé serré, je lui donne l'attention. Tous les deux, on prend de l'ascension. Je veux la gérer, donc je mets à fond le son. On se guélant avec un mentos. Bébé, tous les deux à fond, j'ai chaud. C'est bon, attends, ça. Mais d'abord, je dois mailler. On fera les boutiques aux Champs-Élysées. Tout ça, c'est de la trappe soul. Et tu me feras un massage au dodo. Tu me feras un massage au dodo. Tu me feras un massage au dodo. Ah, c'est bon. La robe là, elle l'a pris en location. Elle veut que je m'habille en black and flow. Yeah. La robe là, elle l'a pris en location. Elle veut que je m'habille en black and flow. Attends, mais putain de merde, j'ai oublié le texte. Quand je t'ai croisé la première fois, c'est super. Quand je t'ai croisé la première fois, mes yeux ont brillé, le cœur a vrillé, sensation étouffante. Mais qui est donc cette épouvante? La femme est si émouvante, fatiguée de pleurer, y'a que elle qui a les bras pour porter ses bébés. Délicate, soigneuse, au lit elle devient paresseuse, tu finiras par lui dire que c'est une menteuse. En vrai tu voulais pas d'une menthe religieuse. Dis-nous en plus. De l'ascension. Ok, on en met plus alors. Non, voilà. On en met plus. Sur cette aventure. Ouais. On va sur cette plus. Aventure. Religion sur cette méduse. Yeah. Laisse-moi zoom zoom zem dans ta baisse baisse baisse. Yeah, bah tu vois. Ok. Ma bêtise, mon petit chocolat. Avec toi, c'était l'amour sans foi ni loi. Premier regard à mon égard, s'en est suivi d'une pluie de cauchemars. Mes bras, quand je broie du noir, ta main en guise de chemin. C'était mon African Queen, mon Iboga, ma reine, ma queen. C'était mon African Queen, mon Iboga, ma reine, ma queen. Ah ah, ton adrénaline. Ma cocaïne. Ouais, ouais, ouais, ton adrénaline. Héroïne, ouais. Adrénaline. La femme de ta vie. Avec son regard féline, j'aime quand elle fait la maline. Elle a une ligne lancée, une vraie beauté. Sans pareil égal, c'est une âme fatale. Elle est redoutable, elle a sans mieux. Elle a sûrement vendu son âme au diable. Elle a sûrement vendu son âme au diable. Elle a vendu son âme au diable. En attendant, je rêve, je rêve, je rêve d'un ciel un peu plus bleu. Que le soleil admire les cieux. Que demain soit beaucoup mieux. Qu'en prenant nos larmes ensemble, on soit heureux. Alors sèche les larmes de tes yeux. À deux demain, tout ira mieux. Yeah. Car le monde a bien changé depuis Galem C2. L'énergie nucléaire a établi son empire sur la terre. Dans la main de quelques visionnaires. L'extermination de toutes ces forêts et grands espaces verts. Hey. Pour laisser place à tant de béton, de pistes en goudron. Ils ont entré dans notre quotidien le mot pollution. Oh toi petite ou grande civilisation, c'est le moment de la révolution. Revenir ensemble à l'essentiel avant de partir au ciel. Laisser une trace indélébile pour que demain les tiens, les autres, il n'y ait pas de pile. Je ne sais pas si tu suis ce fil, mais vis la vie avant qu'elle ne te file. Car tout ça ne tient qu'à un fil, je rêve. Je rêve, je rêve d'un monde où tout le monde est stone. Je rêve d'un monde où tout le monde est stone. Je rêve d'un monde où tout le monde est stone. Le jugement dernier est arrivé depuis que Christ est tombé. Le jugement dernier est arrivé depuis que Christ est tombé. Y'a que Dieu qui m'aime, y'a que Dieu qui m'aime. Même ma mère, je la prends pas pour pleurer. Y'a que Dieu qui m'aime, y'a que Dieu qui m'aime. Même ma mère, je la prends pas pour pleurer. Wouh! Oh! Bienvenue! Mike, Mike, Mike! Check on the mic, nigga. Check on the mic, nigga. Ok, J'ai commencé à textoter avant de rapper. J'ai pas besoin de B2 pour m'inspirer. Je suis toujours posé, mais jamais dosé. Des fois, tout matin, je m'en suis pas fait assez. Toi-même, tu sais, ABC. T'es avec un Audita de la Cota. 225 Côte d'Ivoire, c'est ma vie, j'oublie pas aussi. 92 plus 1, on vend plus que Bondi Nord. Je promets que mes textes, que je les réécris toujours au propre. Pour pardonner tous mes péchés, je pars à l'église. Je ne suis pas machiavélique, mais je fuck la police, j'encule les Illuminati. Je suis complice qu'avec mon esprit, c'est en deux spies. Mon bénéfice, c'est la polygamie. Sur ce son de la Tessie, je rappe pour les femmes bien et pas pour les manipulatrices. Des AV, ma neugue. Ouh! Aïe, aïe, aïe, aïe. Pourquoi t'as coupé mon micro? Ouais, ouais, ouais, mannequin, j'allais dire les mannequins. Il rappe pour les mannequins, c'est le frangin. Et c'est ouais, ton ouais, pote ouais. Qui rappe à chaque fois, tu devrais rapper à sa place. Hein. Yeah, yeah. Ah bah oui, franchement. Yeah. Ça n'a rien à voir. Regarde, potentiellement, alors, niveau intellectuel chargé, j'ai la bulletproof prêt à te décaler. Écoute, le décalage n'est pas chinois. Moi, je parle pas japonais, je mange seulement des nems. Avec ma chérie à Bolbokit, tu connais déjà le chinois à Bondi. Je lui ai fait la zermie parce qu'il regardait ma princesse comme si c'était la sienne. Moi je lui ai dit je viens te prendre les fesses. À la main. À la main. Je vais t'étrangler, te balayer. Tu ne sais pas sous Jacques D, je suis un vrai taré. Ça fait longtemps que j'ai rien à prouver. Sur cette terre, c'est y'a. Sur cette terre, c'est y'a. Sur cette terre, c'est y'a. Il y a beaucoup de condamnés. Il y a des gens qui sont là pour faire de la merde. Moi je suis là pour poser, réglementer. En impro j'ai le stylo qu'il faut. Je peux les mettre plus d'une fois KO. Si t'as l'écro et que tu veux manger le micro, viens avec moi en impro. Si t'es mon poteau, on fumera des big bédo. Bédozo B. Moi je la baisse sur le canapé. Avec un petit canapé, champagne. Libreville, première classe, tu me connais déjà. Uh-huh. Business class à Libreville. Uh-huh. Business class à LBV. Business class à LBV. Je reviens d'Africa, la terre où je suis comme un roi. Direction Gaboma, je t'emmène chez moi. Y'a des gens qui sont kinda, kinda, kinda. Ça fait kala, kala, kala. Que je suis considéré comme un bangando là-bas. Si tu veux jouer avec moi, viens avec moi, le white. Je vais t'emmener en Afrique, te faire voyager de l'autre côté. Tu vas comprendre que moi j'ai souffert. J'ai l'abcès, j'ai l'anthrax. J'ai balayé, j'ai niqué des têtes. Ouais, faut exterminer, faut exterminer. Parce que ce soir, y'a les bébés qui doivent chanter. Eh ouais, les bébés doivent chanter. Alors faut exterminer, exterminer, exterminer, exterminer. Ah, yeah. Non, mais c'était le petit truc, quoi. Hey, Mike. Quoi, un petit ouais, Mike. Ouais, Mike. Ouais, Mike, ya, ya, ya, ya, ya, ya. On the place, nigga. On the place, nigga. On the place, nigga. On the place, nigga. On the place, nigga. Doudou Masta et Makaya. Hein, ça fait. Come on, man, let's go, man. Ok, DAV, fit Mike. You get a mic, nigga. Plus d'une fois en GAV, j'ai rien à prouver. Les keufs, je l'ai niqué. La la la la la la la. Il me faisait des tralalalalalalalalalalala. Il me faisait des tralalalalalala. Pendant que je lui crachais sur sa mère. Pendant que je lui crachais sur sa mère. Ouais, vas-y, chante. On est en impro, frère. Tu vois pas, j'ai posé le téléphone là. Que de l'impro, que de l'impro. Oh. Hein. Sur la pointe. Si, ya. Elle est là depuis longtemps. Je veux la voir. Ouais, devant moi, devant moi. Ouais. On veut la bouillave. Bouillave. On veut la bouillave. On la bouillave. On la bouillave dans la vodka. On la bouillave dans la vodka. On la bouillave quand tu mens. On la pile. Regarde. Elle était mais hey, elle aimait tellement se la raconter que je lui ai dit viens avec moi tu vas passer la soirée. Regarde. Elle aimait tellement se la raconter, je lui ai dit viens avec moi passer la dernière soirée de ta vie. Les terminés, elle m'a appelé de l'homme, mon gros bébé. Elle m'a dit qu'elle voulait se marier. Je lui ai dit attends non, on va la remettre à l'envers. Moi je vais pas te doter, t'inquiète pas. Moi je vais pas te doter, j'ai pas de l'argent à te donner. Même ta famille, j'ai rien à leur trouver. Viens juste te chercher, viens juste te chercher, viens juste te chercher. Devant la croix, je vais me marier. Je vais gérer Léa et Brandy. Mais j'ai fini où ? À Bondy. Je vais gérer Léa et Brandy. Mais j'ai fini où ? À Bondy. Elle était fraîche, elle était dédismée. Moi, je voulais les gérer, mais j'ai... Ah, je voulais les gérer, les gérer. Les gérer, bébé. Je voulais les gérer, bébé. Ah, bébé, pourquoi tu m'appelles bébé ? Moi je suis un méchant, t'appelles pas bébé. Yeah. Je suis pas un lover. Yeah. Y'a pas de sentiment, y'a pas de sentiment entre nous. Y'a pas de sentiment, que des centimètres. Sentiment entre nous, je suis pas un lover. Voulez Léa et Brandy. Voulez Léa et Brandy. Y'a pas de sentiment, que des centimètres. Hey. C'est pour ça que je te la mets souvent. C'est pour ça que je te la mets souvent. C'est pour ça que je te la mets souvent. C'est pour ça que je te la mets souvent. C'est pour ça que je te la mets souvent. C'est pour ça que je te la mets souvent. 15 boulettes à l'arrivée. Tu peux pas suivre ma chérie. Ce soir tu vas pas apporter. 15 boulettes à la filée. Ce soir ma chérie tu vas pas assumer. 15 boulettes à la suite. Ma chérie tu vas pas assumer. 15 boulettes à la suite. Ma chérie tu vas pas assumer. Centimètres, pas sentiment, on est là depuis longtemps, depuis ça fait longtemps, ouais, j'ai envie d'élever depuis longtemps, j'ai pris de la maille, ouais, Je crois qu'il a envie de toi. Aïe, bébé, il a envie de toi. Ah oui, chérie. Ah oui, je suis. Ah oui, chérie, ce soir, c'est toi et moi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Assez parlé de cul, assez parlé de cul, même si on aime ça. De quoi on va parler. Je sais pas, raconte-nous une petite histoire, Mère Castor. Moi je veux savoir ce qui se passe dans ta tête. Y'en a plusieurs, mais c'est moi qui contrôle. T'es sûr que tu comprends quelque chose? Je sais moi, pas, je sais si pas, moi je sais pas. Moi c'est quoi ton souhait? À souhait de la mettre. Oh, c'était vulgaire et vilain ça. Ya. Your attention please. Your attention please. Your attention please. J'aime les gros bondages. J'aime les gros bondages. J'aime les gros bondages. J'aime les gros bondages. J'aime les gros. J'aime les gros bondas, j'aime les sous-tête-là. J'aime les grosses hanches, j'aime les gros culs. C'est comme ça que ça se passe. Toujours posé, jamais dosé. Mais pas tout matin, je vous aime trop, ouais. Avec votre pagne, votre DP derrière le dos. Vas-y, aïe. Continue, vas-y, continue. Aïe. Crier des AV, okay. Je te mets au lit. Ok, ok, ok. On aime les Africaines, on aime les Mamalova. On aime les Africaines, on aime les Mamalova. Hey, on aime les Africaines, on aime les Mamalova. Aha. Eh, eh, pour une fois, il fait pas de la merde. Eh, attendez, pour une fois, Martin fait pas de la merde. Il a trouvé un rythme. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Eh, eh. On n'est pas à plusieurs, mais qu'est-ce qu'on rit ici? Toi bébé, oui, ce soir, oui, ce soir, j'ai besoin de 22 centimètres. Effectivement, pas de sentiment, pas de sentiment, ouais, eh. Hey. Vas-y bébé, montre-moi. Sentiment, pas de sentiment, pas de centimètres. Ya, ya, ya, ya, ya. Quand je t'ai croisé la première fois, mes yeux ont vrillé, le cœur a vrillé, sensation étouffante. Vas-y par la maman, par la maman, ouais, eh. J'ai vu. Par la maman, comme il dit, il y a les youn, ouais, il l'a mis bien ce soir, ouais, eh. Elle est bien. Elle est belle. Cette chienne. Oh, comment? Yeah. Vas-y. Pas la romantique. La réussite dans ma raison. Pour la maman, elle mérite plus qu'une maison. Si je pars en guerre avec les armes, peut t'amis vrai. Tu peux me barber 2K. Tu m'as barbé 2K. Donc je mets mon AK dans ton fiac. Grandi dans le 7-7 Bondi. Lagny, c'est la jungle. Il courait comme des gazelles dans les Rix. Je me tapais des barres. Tu verras pas l'angle mort. Y'a pas qu'au basse, quelques shoots. Tu m'as barbé 2K. Tu m'as barbé 2K. Tu m'as barbé 2K. Donc je mets mon AK dans ton sac, grandi dans 7-7 Bondi. Lagny c'est la jungle. Il courait comme des gazelles. Dans les rix, me taper des barres. Tu me verras pas dans les angles morts. Y'a pas qu'au basse, quelques shoots. J'ai des ennemis. Je n'ai pas d'amis. Tellement doué, je la mets même dans l'orifice. Sors le pétard, même quand y'a pas de feu d'artifice. Y'a pas que les chiennes qui miaulent. Aïe. Y'a pas que les chiennes qui miaulent. Y'a pas que les chiennes qui miaulent. Y'a pas que les chiennes qui miaulent. Y'a pas que les chiennes qui miaulent. Elle aime pas les aventures sans l'homme. Elle se méfie des gros mâles. Abondi, viens voir par ici. Je connais pas ta ville, comme la ville de Paris. C'est maligne, mais on mélange pas ton cuir comme un Rubik's Cube. J'ai pas béton pour la maille. J'ai pas béton pour la maille. Elles aiment pas les. Pour la maille, bébé. Ya. Elle aime pas les aventures sans l'homme. Elle aime pas les aventures sans l'homme. Elle aime pas les aventures sans l'homme. Elle se méfie des gros malins. Tu la veux, prends-la bien et termine-la jusqu'à la fin. Moi j'avais choisi de prendre sa main. Mais à la tombée du destin, on n'a pas pris le même chemin. Rupture instantanée, a-t-on plusieurs destinées. Marre des histoires qui commencent comme un conte de fées. Je veux une histoire, ton pied, mon pied. Ou face au problème, on se dit la vérité. Et main dans la main, on se mettra à prier. Car on sait que Dieu peut nous juger. Balade romantique, j'aime quand tu bouges ta mécanique. T'es une bombe à sans plastique, un corps à tomber par terre. Quand je te vois, je perds le nord, le contrôle de mes sentiments. Je veux rester le meilleur de tes amants. Te soulever encore et encore comme un diamant. Sentiment ouais. Et pas sans okay. Sentiment. Ok. Ok. Sentiment, ouais. Ok. Ok, faire du sexe. Alors, si on fait du sexe, attention, on va faire du sexe. Ah, mais oui, mon chéri, on attend ça. On va faire du sexe, attends. Yeah. Oh, mon bébé. Il est 17h, Pinot, métanoïaque. Ok, dernière, ouais. 69, mais pas sentiment, c'est parti. Yeah. Centimètre, sentiment. Y'a pas de centimètre, y'a que des sentiments. Avec elle, je suis le roi des amants. Hey, hey, ma maman, je me disais, fais autrement. T'en as marre de jongler entre les filles de rien avant. Calme-toi, mon garçon, tu vas monter ton caleçon. Tu vas partir en guerre contre toutes ces putains. And girl, listen me. Hey girl, hey girl, listen me girl, listen yeah. To boy and girl, ben, okay, yeah, and, oh well, DJ il est rapide, DJ il est rapide, DJ il est rapide, il a dit bravo, bravo, bravo, pronto. Pronto, pronto. Yeah, yeah, yeah. Je veux du bif, hein. Je veux du bif, monnaie. Je veux du bif.